Yeah. À ce que tu gardes espoir, j'aimerais que mes écrits servent. D'un craps, enfoiré. Marre de ramer. Fuck le parlement, j'veux pas te parler non. Dans ta sélecta, j'suis un Beretta. Face à cet état, régi par les normes. C'est dur d'avancer si t'as pas l'élan. Si t'as pas l'élan, pas l'élan. J'viens pour rappeler sec, j'viens pas parler non. Non, non. Et on soigne le mal par le mal. Par le mal. J'veux pas percer, s'te plaît, me parle pas de mal. Pas de mal. Et j'les vois qui courent tous après l'animal. J'combats mes malaises, mon mal est par les mots. Ouh. Cartes sont empliées, mic allumé. Et je vise la lune du bout de mon calumet. Un jour faudrait que j'arrête, même si j'ai rien faire d'autre. J'ai rien faire d'autre. Les placements sont si précis que tu frôles l'allumette. Pourrais toucher à tout, je vais me contenter d'écrire. Ne nous compare pas, la plupart ne sont bons qu'à raconter des crimes. On a vécu des trucs et on guérit en tentant de les décrire. Et frérot, j'étais seul quand j'entendais des cris. Hein? Mais bon, j'essaie d'esquiver le malin. Encore fonce des de la veille, mais je rallume des spliffs dès le matin. Hey. En street, même les civets, j'ai des idées de malade. J'ai pour tout décimer, mes récits viennent de ma life. L'approche, l'assassine, voilà. Je veux pas la cime, crois-moi. Hey. J'suis mal assis, j'vois la tour Eiffel est loin, wallah, c'est pas ma cible. Hey mec, la vie c'est pas un film. Continue le truc avec honneur, sache que les chansons sont un film. Sortir de la rue, sache le yak des donneurs. J'essaie de rester simple, pourquoi j'en ferai des tonnes. Et je suis conscient que les refrains déconnent, hein. Par le système et les médias malmenés. Malmenés. Une défaite ce n'est qu'un combat malmené. Malmené. Je veux l'harmonie, hein. Pas la monnaie, non, non. La monnaie. Je m'en fume à la verre pour que les regrets décollent. Yeah. L'homme croit exister en faisant gonfler ses triceps. Ses triceps. J'vois que la terre est en pleurs et je rêve que c'est crisesse. C'est crisesse. J'aime pas faire de dissert, chaque soir mon cœur est grisaigne. Hein? À ce que tu gardes espoir, j'aimerais que mes écrits servent. Ra. Ouais, l'homme croit exister en faisant gonfler ses triceps. C'est triceps. J'vois que la terre est en pleurs et je rêve que c'est crisesse. C'est crisesse. J'aime pas faire de dissert, chaque soir mon cœur est grisaigne. À ce que tu gardes espoir, j'aimerais que mes écrits servent. À ce que tu gardes espoir, j'aimerais que mes écrits servent. À ce que tu gardes espoir, j'aimerais que mes écrits servent. À ce que tu gardes espoir, l'ensemble. À ce que tu gardes espoir, j'aimerais que mes écrits servent. Enfoiré.